Maintenant, je reviens aux lettres où maman vous parle de Céline et moi. C'est le meilleur moyen que je puisse employer pour vous faire bien connaître mon caractère. Voici un passage où mes défauts brillent d'un vif éclat. Voilà Céline qui s'amuse avec la petite au jeu de cube. Elle se dispute de temps en temps. Céline cède pour avoir une perle à sa couronne. Je suis obligée de corriger ce pauvre bébé qui se met dans des furies épouvantables. Quand les choses ne vont pas à son idée, elle se roule par terre comme une désespérée, croyant que tout est perdu. Il y a des moments où c'est plus fort qu'elle. Elle en est suffoquée. C'est une enfant bien nerveuse. Elle est cependant bien mignonne et très intelligente. Elle se rappelle tout. Vous voyez, ma mère, combien j'étais loin d'être une petite fille sans défaut. On ne pouvait même pas dire de moi que j'étais sage quand je dormais, car la nuit, j'étais encore plus remuante que le jour. J'en voyais promener toutes les couvertures et puis, tout en dormant, je me donnais des coups contre le bois de mon petit lit. La douleur me réveillait, alors je disais « Maman, je suis toquée !» Cette pauvre petite mère était obligée de se lever et constatait qu'en effet, j'avais des bosses au front, que j'étais toquée. Elle me couvrait bien, puis allait se recoucher. Mais au bout d'un moment, je recommençais à être toquée, si bien qu'on fut obligé de m'attacher dans mon lit. Tous les soirs, la petite Céline venait nouer les nombreux cordons destinés à empêcher le petit lutin de se toquer et de réveiller sa maman. Ce moyen ayant bien réussi, je fus désormais sage en dormant. Il est un autre défaut que j'avais, étant éveillée, et dont maman ne parle pas dans ses lettres. C'était un grand amour-propre. Je ne vais vous en donner que deux exemples, afin de ne pas rendre mon récit trop long. Un jour, maman me dit « Ma petite Thérèse, si tu veux baiser la terre, je vais te donner un sou. » Un sou, c'était pour moi toute une richesse. Pour le gagner, je n'avais pas besoin d'abaisser ma grandeur, car ma petite taille ne mettait pas une grande distance entre moi et la terre. Cependant, ma fierté se révolta à la pensée de baiser la terre. Me tenant bien droite, je dis à maman « Oh non, ma petite mère, j'aime mieux ne pas avoir de sous. » Une autre fois, nous devions aller à Grenier chez Madame Monnier. Maman dit à Marie de me mettre ma jolie robe bleu ciel garnie de dentelles, mais de ne pas me laisser les bras nus, afin que le soleil ne les brunisse pas. Je me laissais habiller avec l'indifférence que devaient avoir les enfants de mon âge, mais intérieurement je pensais que j'aurais été bien plus gentille avec mes petits bras nus. Avec une nature comme la mienne, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, ou même si comme Céline j'avais été gâtée par Louise, je serais devenue bien méchante et peut-être me serais perdue. Mais Jésus veillait sur sa petite fiancée. Il a voulu que tout tournât à son bien, même ses défauts qui réprimaient de bonheur, lui ont servi à grandir dans la perfection. Comme j'avais de l'amour-propre et aussi l'amour du bien, aussitôt que j'ai commencé à penser sérieusement ce que j'ai fait bien petite, il suffisait qu'on me dise qu'une chose n'était pas bien pour que je n'aie pas envie de me le faire répéter deux fois. Je vois avec plaisir dans les lettres de maman qu'en grandissant, je lui donnais plus de consolation. N'ayant que de bons exemples autour de moi, je voulais naturellement l'y suivre. Voici ce qu'elle écrivait en 1876. Jusqu'à Thérèse qui veut parfois se mêler de faire des pratiques. C'est une charmante enfant, elle est fine comme l'ombre, très vive, mais son cœur est sensible. Céline et elle s'aiment beaucoup, elles se suffisent à elles deux pour se désennuyer. Tous les jours, aussitôt qu'elles ont dîné, Céline va prendre son petit coq. Elle attrape tout d'un coup la poule à Thérèse. Moi, je ne puis en venir à bout, mais elle est si vive que du premier bond, elle la tient. Puis elles arrivent toutes les deux avec leur bête, s'asseoir au coin du feu, et s'amusent ainsi fort longtemps. C'était la petite Rose qui m'avait fait cadeau de la poule et du coq. J'avais donné le coq à Céline. L'autre jour, Céline avait couché avec moi. Thérèse avait couché au second, dans le lit à Céline. Elle avait supplié Louise de la descendre en bas pour qu'on l'habille. Louise monte pour la chercher, elle trouve le lit vide. Thérèse avait entendu Céline et était descendue avec elle. Louise lui dit « Tu ne veux donc pas venir en bas t'habiller ? Oh non, ma pauvre Louise, on est comme les deux petites poules, on ne peut pas se séparer. » Et en disant cela, elles s'embrassaient et se serraient toutes les deux. Puis le soir, Louise, Céline et Léonie sont parties au cercle catholique et ont laissé cette pauvre Thérèse qui comprenait bien qu'elle était trop petite pour y aller. Elle disait « Si seulement on veut me coucher dans le lit à Céline. » Mais non, on n'a pas voulu. Elle n'a rien dit et est restée seule avec sa petite lampe. Elle dormait un quart d'heure après d'un profond sommeil. Un autre jour, maman écrivait encore « Céline et Thérèse sont inséparables. » On ne peut voir deux enfants s'aimer mieux. Quand Marie vient chercher Céline pour faire sa classe, cette pauvre Thérèse est toute en larmes. Hélas, que va-t-elle devenir ? Sa petite amie s'en va. Marie en a pitié. Elle la prend aussi et cette pauvre petite s'assied sur une chaise pendant 2 ou 3 heures. On lui donne des perles en filet ou une chiffe à coudre. Elle n'ose bouger et pousse souvent de gros soupirs. Quand son aiguille se désenfile, elle essaye de la renfiler. C'est curieux de la voir ne pouvant y parvenir et n'osant déranger Marie. Bientôt, on voit deux grosses larmes qui coulent sur ses joues. Marie la console bien vite, renfile l'aiguille et le pauvre petit ange sourit au travers de ses larmes. Je me rappelle qu'en effet, je ne pouvais pas rester sans Céline. J'aimais mieux sortir de table avant d'avoir fini mon dessert que de ne pas la suivre aussitôt qu'elle se levait. Je me tournais dans ma grande chaise, demandant qu'on me descende, et puis nous allions jouer ensemble. Quelquefois, nous allions avec la petite préfète, ce qui me plaisait bien à cause du parc et de tous les beaux jouets qu'elle nous montrait. Mais c'était plutôt afin de faire plaisir à Céline que j'y allais, aimant mieux rester dans notre petit jardin à gratter les murs, car nous enlevions toutes les petites paillettes brillantes qui s'y trouvaient, et puis nous allions les vendre à papa, qui nous les achetait très sérieusement. Le dimanche, comme j'étais trop petite pour aller aux offices, maman restait à me garder. J'étais bien sage et ne marchais que sur le bout du pied pendant la messe. Mais aussitôt que je voyais la porte s'ouvrir, c'était une explosion de joie sans pareil. Je me précipitais au devant de ma jolie petite sœur qui était alors parée comme une chapelle. Et je lui disais « Oh, ma petite Céline, donne-moi bien vite du pain béni. » Parfois, elle n'en avait pas, étant arrivée trop tard. Comment faire alors? Il était impossible que je m'en passe, c'était là ma messe. Le moyen fut bien vite trouvé. Tu n'as pas de pain béni, et bien fais-en. Aussitôt dit, aussitôt fait, Céline prend une chaise, ouvre le placard, attrape le pain, en coupe une bouchée et très sérieusement récite un Ave Maria dessus. Puis elle me le présente et moi, après avoir fait le signe de la croix avec, je le mange avec une grande dévotion, lui trouvant tout à fait le goût du pain béni. Souvent nous faisions ensemble des conférences spirituelles. Voici un exemple que j'emprunte aux lettres de maman. Nos deux chères petites, Céline et Thérèse, sont des anges de bénédiction, des petites natures angéliques. Thérèse fait la joie, le bonheur de Marie et sa gloire. C'est incroyable comme elle en est fière. C'est vrai qu'elle a des réparties bien rares à son âge. Elle en remontre à Céline qui est le double plus âgée. Céline disait l'autre jour, « Comment que cela se fait que le bon Dieu peut être dans une si petite hostie ?» La petite a dit, « Ce n'est pas si étonnant puisque le bon Dieu est tout-puissant. » « Qu'est-ce que veut dire tout-puissant ? » « Mais c'est de faire tout ce qu'il veut. » Un jour, Léonie, pensant qu'elle était trop grande pour jouer à la poupée, vint nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes et de jolis morceaux destinés à en faire d'autres. Sur le dessus était couchée sa poupée. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet de ganses qui lui plaisait. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout » et je pris la corbeille sans autre cérémonie. Les témoins de la scène trouvèrent la chose très juste. Céline elle-même ne songea pas à s'en plaindre. D'ailleurs, elle ne manquait pas de jouets. Son parrain la comblait de cadeaux et Louise trouvait le moyen de procurer tout ce qu'elle désirait. Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui, en un mot de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écriée « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. » Il faut que je m'arrête, je ne dois pas encore vous parler de ma jeunesse, mais du petit lutin de 4 ans. Je me souviens d'un rêve que j'ai dû faire vers cet âge et qui s'est profondément gravé dans mon imagination. Une nuit, j'ai rêvé que je sortais pour aller me promener seule au jardin. Arrivé au bas des marches qu'il fallait monter pour y arriver, je m'arrêtais, saisi d'effroi. Devant moi, auprès de la tonnelle, se trouvait un baril de chaux, et sur ce baril, deux affreux petits diablotins dansaient avec une agilité surprenante malgré des fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Tout à coup, ils jetèrent sur moi leurs yeux flamboyants. Puis au même moment, paraissant bien plus effrayés que moi, ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face. Les voyant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils allaient faire et je m'approchai de la fenêtre. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment faire pour fuir mon regard. Quelquefois, ils s'approchaient de la fenêtre, regardant d'un air inquiet si j'étais encore là, et, me voyant toujours, ils recommençaient à courir comme des désespérés. Sans doute, ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle, afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant. Voici encore un passage que je trouve dans les lettres de maman. Déjà, cette pauvre petite mère pressentait la fin de son exil. Les deux petites ne m'inquiètent pas. Elles sont si bien toutes les deux, ce sont des natures choisies. Certainement, elles seront bonnes. Marie et toi, vous pourrez parfaitement les élever. Céline ne fait jamais la plus petite faute volontaire. La petite sera bonne aussi. Elle ne mentirait pas pour tout l'or du monde. Elle a de l'esprit comme je n'en ai jamais vu à aucune de vous. L'autre jour, elle était chez l'épicier avec Céline et Louise. Elle parlait de ses pratiques et discutait fort avec Céline. La dame a dit à Louise, « Qu'est-ce qu'elle veut donc dire quand elle joue dans le jardin ? On n'entend parler que de pratiques. » Madame Gaucherin avance la tête par sa fenêtre pour tâcher de comprendre ce que veut dire ce débat de pratiques. Cette pauvre petite fait notre bonheur. Elle sera bonne, on voit déjà le germe. Elle ne parle que du bon Dieu. Elle ne manquerait pas pour tout à faire ses prières. Je voudrais que tu la vois réciter de petites fables. Jamais je n'ai rien vu de si gentil. Elle trouve toute seule l'expression qu'il faut donner, le ton. Mais c'est surtout quand elle dit « Petit enfant à tête blonde, où crois-tu donc qu'est le bon Dieu ?» Quand elle en est à « Il est là-haut, dans le ciel bleu. » Elle tourne ce regard en haut avec une expression angélique. On ne se lasse pas de le lui faire faire dire, tant c'est beau. Il y a quelque chose de si céleste dans son regard qu'on en est ravi. Ô ma mère, que j'étais heureuse à cet âge! Déjà, je commençais à jouir de la vie. La vertu avait pour moi des charmes, et j'étais, il me semble, dans les mêmes dispositions où je me trouve maintenant, ayant déjà un grand empire sur mes actions. Ah, comme elles ont passé rapidement les années ensoleillées de ma petite enfance! Mais quelle douce empreinte elles ont laissée sur mon âme! Je me rappelle avec bonheur les jours où papa nous emmenait au pavillon. Les plus petits détails se sont gravés dans mon cœur. Je me rappelle surtout les promenades du dimanche, où toujours maman nous accompagnait. Je sens encore les impressions profondes et poétiques qui naissaient en mon âme à la vue des champs de blé émaillés de bleuets et de fleurs champêtres. Déjà j'aimais les lointains. L'espace et les sapins gigantesques dont les branches touchaient la terre laissaient en mon cœur une impression semblable à celle que je ressens encore aujourd'hui, à la vue de la nature. Souvent, pendant ces longues promenades, nous rencontrions des pauvres, et c'était toujours la petite Thérèse qui était chargée de leur donner l'aumône, ce dont elle était bien heureuse. Mais souvent aussi, papa trouvant que la route était trop longue pour sa petite reine, la ramenait plutôt que les autres au logis, à son grand déplaisir. Alors, pour la consoler, Céline remplissait de pâquerettes son joli petit panier. Elle le lui donnait en retour, mais hélas, la pauvre bonne maman trouvait que sa petite fille en avait trop. Aussi en prenait-elle une bonne partie pour la Sainte Vierge. Ceci ne plaisait pas à la petite Thérèse, mais elle se gardait bien d'en rien dire, ayant pris la bonne habitude de ne se plaindre jamais, même quand on lui enlevait ce qui était à elle, ou bien lorsqu'elle était accusée injustement. Elle préférait se taire et ne pas s'excuser. Ceci n'était point mérite de sa part, mais vertu naturelle. Quel dommage que cette bonne disposition se soit évanouie. Oh, véritablement, tout me souriait sur la terre, je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas, et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais une nouvelle période allait commencer pour mon âme. Je devais passer par le creuset de l'épreuve et souffrir dès mon enfance afin de pouvoir être plus tôt offerte à Jésus. De même que les fleurs du printemps commencent à germer sous la neige et s'épanouissent aux premiers rayons du soleil, ainsi la petite fleur dont j'écris les souvenirs a-t-elle dû passer par l'hiver de l'épreuve ?